18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bienvenue sur Convergence, notre émission hebdomadaire le samedi de 18h à 19h. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Sora. Bonsoir. Comment bienvenue Sora chez Convergence. Ouais, c'est merci, un plaisir Mathieu. De t'avoir. On a également du coup Hugo. Bonsoir. Cid, qui est du coup le président d'Alien Theory. Et on a également Léo pour des surprises. Yo yo yo. Qui fait partie de la team et c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui. Très content d'être là aussi. Un plaisir partagé également. Nice, nice, nice. Et donc du coup, on va faire une petite interview. Donc Sora, on aimerait en savoir un peu plus sur toi. C'est toi qui nous a concocté le petit set que vous allez écouter prochainement, voilà. Et oui, ce qu'on voulait savoir, c'est, en tout cas, ce que les auditeurs, à mon avis, voudraient savoir, c'est comment tu t'es lancé dans la musique électronique, en large. Ben, à la base, la musique faisait partie de ma vie depuis que je suis petite. Parce que j'ai une maman qui compose et qui chante énormément. Ah ouais, sympa ça. Du coup, j'ai voulu apprendre la guitare, ce que j'ai fait, pour pouvoir caler ma voix, voilà, faire un peu du Ed Sheeran. Voilà, après, t'as fait combien de temps ? La guitare ? Ouais. J'ai attaqué, je devais avoir 12 ans, donc jusqu'à ma majorité. J'avoue que maintenant, j'en fais un peu moins. Ouais. Je suis plus dans la musique électronique. Ouais. Mais ma guitare, je la reprends de temps en temps. Voilà. Cool, cool. D'accord, ouais, donc forcément, t'as commencé tôt. Hein. On va dire. La musique a toujours fait partie de ma vie. Ouais. C'est nice, c'est nice. Bien. C'est beau. T'es tombé dedans quand t'étais petite. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu nous deviens, Sora, du coup ? Bah du coup, maintenant, je me suis tournée vers la musique électronique, parce que je suis arrivée en 2016 à Lyon. J'ai connu tous les clubs. Avant ça, j'avais fait énormément de teuf puisque j'habitais à la base dans le 43. Ouais, le 43, enchanté les 43. Le 43, et il n'y a pas forcément des boîtes techno, underground, etc. Du coup, je me suis tournée vers Lyon. J'ai découvert le petit salon, Transgo, le sucre, les boîtes emblématiques de Lyon. Hein. C'est ça. D'ailleurs, force à eux, on y pense tous les jours. Ouais, j'ai à dire qu'on est. Et donc, du coup, tu fais de la production et du mix. C'est ça. J'ai attaqué d'abord le mix, du coup. Il y a combien de temps à peu près ? Du coup, j'ai eu mes premières platines en novembre 2017. C'était des 350. C'est précis, ça. Ouais. Ça m'a marqué. Comme la date de son mariage. C'est exactement ça. Ouais, elle est pas mariée. On verra. Du coup, c'était mes petits bébés. J'avais une petite Xen 23 avec. À la base, j'en faisais chez moi et on est sortis aller poser chez des amis pour des anniversaires, pour faire des soirées. Il y avait entre 30 et 50 personnes, du coup, ça nous a kiffé. C'était quand il n'y avait pas le Covid, hein, c'était génial. Ah ouais, du coup, c'était nos premières sorties. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Kevin. Présent. Ah effectivement. Qui m'a montré des bonnes techniques de mix. C'est gentil, ça me fait chaud. Et ça nous a bien mis dedans et du coup on est toujours là aujourd'hui. J'adore mixer. Après la production, du coup. Qu'est-ce que tu nous joues ? Parce qu'on n'a pas encore parlé de qu'est-ce que tu joues, qu'est-ce que tu joues. Ouais, par rapport à ton style. Ton style, tes influences, tout ça. Du coup, à la base, j'étais partie sur de la house et de la techno. Je me suis rendu compte que j'étais un peu plus du côté de la techno. Au niveau des soirées, dans les clubs, pour l'énergie, etc. Il y a la techno que t'aimes beaucoup, mais t'as aussi joué de la house, tu peux aussi jouer plusieurs styles, enfin de la deep ou des choses comme ça. En fait, ça dépend de ton feeling un peu plus ou moins. T'es plus techno maintenant. House au bureau, c'était plus pour de la lounge après. Au bureau ? Au bureau à Saint-Étienne, c'était grâce à Hugo d'ailleurs. C'était un bar, c'était plus pour faire de la musique ambiante, c'est plus les soirées techno où il y a un vrai contact en fait. Là t'es vraiment spirit love dans la techno. Et donc du coup par rapport à ce que tu produis, ça respire la techno en fait. J'espère. Ouais. En fait, j'ai attaqué la production à peu près en même temps. Enfin, je me suis renseignée sur Ableton puisque c'est un sacré logiciel quand même. au début de mes mix, du coup, 2017, novembre 2017. J'ai pris des cours, du coup, avec un mec pour la production. D'accord. Ça m'a aidé à apprendre l'interface du logiciel et j'essaye de sortir des tracks de mieux en mieux, enfin, de faire tu travailles avec plus de recul sur où tu veux aller, c'est tout ça. Le but, c'est faire de la grosse indus, grosse rave avec des mélodies et des gros qui bassent. Ok. Et est-ce que c'est du coup. Ça transpire bien. Est-ce que du coup, c'est le professeur avec qui tu as bossé, qui t'a appris à utiliser le logiciel, qui t'a donné envie plutôt de faire ça aujourd'hui? Ou plutôt, ça a toujours été ce que. À partir d'un certain moment, tu t'es dit que tu allais faire et puis. Je pense que ça a toujours été la techno, parce que mon professeur, c'était quand même quelqu'un qui faisait à la base de l'expérimental. Mais malgré tout, l'expérimental avec la techno, je trouve que c'est hyper intéressant, en fait. Au niveau de la mélodie, Mélanger les styles. C'est ça, et puis même mélanger les styles aussi, on arrive à des choses... En fait, généralement, il te manque quelque chose quand tu travailles beaucoup sur un style, et le fait d'avoir ce petit réflexe d'avoir entendu quelque chose dans un autre style, tu réussis à boucher le trou et tu te dis « waouh, en fait, c'est cool ça ». Puis ça peut faire ta propre personnalité. C'est ça aussi, on peut te repérer peu comme ça. Je veux dire, je vais pas prendre d'exemple comme ça, mais il y a des artistes, vraiment, tu les repères à chaque fois que tu écoutes une de leurs musiques, alors que c'est de la techno. Ok. Mais ouais, du coup. Le mec, il m'a montré le modulaire, toute cette vibe de la synthèse sonore, en fait. Et c'est hyper intéressant de faire créer ses propres mélodies à soi et pouvoir Ouais, et puis on s'identifie aussi beaucoup plus quand on fait ses petites mélodies, quand on fait son son, je trouve, en tout cas. Ouais, carrément, t'es invivable. C'est intéressant en tout cas ton petit parcours. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et aujourd'hui, comment t'as vécu le confinement? Comment t'es dans une asso apparemment? Voilà, je suis rentrée dans l'asso Alien Theory. Du coup, Hugo, Alien Theory, qu'on a le plaisir d'avoir, le président d'Alien Theory. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, pour rebondir dessus un peu, vous avez commencé quand? Quelle était l'idée en fait d'Alien Theory? L'idée, c'était de prendre part à d'être acteur du mouvement qu'on appréciait tous. Donc, au tout départ, on mélangeait un peu la psytrance avec la tribe, avec tout ce qu'on pouvait retrouver comme musique électronique un peu underground. D'accord. En 2016, on a créé ça. Ça c'est resté un peu à l'abandon pendant 2 ans. Ouais. Et on va dire qu'il y a 2 ans, on a repris ça avec une grosse force. On a fait des gros projets dont on est hyper fiers. D'accord. C'est à partir de là qu'on a fait 7-8 soirées sur Lyon, en allant du Loupica à la salle au Totem à Rieu ou des zones industrielles à Saint-Priest. C'est cool. Des trucs comme ça. C'est des endroits en plus qui sortent de l'ordinaire. Nous on aime bien rapporter un système son adéquat avec le style qu'on apprécie. Donc c'est un peu sur ça qu'on joue. Pour la petite histoire, moi je suis voisin avec Solène depuis que j'ai 2 ans. Donc on se connaît, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on se connaît. D'accord. Moi je suis arrivé dans la techno, dans ce monde-là, un petit peu avant elle. Et du coup, dès que je peux la faire jouer, dès qu'elle peut prendre part à ce qu'on fait, elle est toujours là avec nous. Parce que t'es producteur et t'es aussi également DJ, entre autres. Je fais les deux, je fais du live, je fais du mix, j'ai plusieurs projets différents. Ah oui, parce que, j'avais oublié pour les auditeurs ici présents, on a eu du coup Sid, qui est Hugo, notre dernière saison, donc je crois que c'est en live, c'était pendant le confinement. Voilà, pour ceux qui veulent voir, c'est encore sur Mixcloud. voilà, et du coup, ça m'a amené à rencontrer aussi Léo qui est ici aujourd'hui, avec qui, avec qui aujourd'hui on a le projet. Petit on a Léo. Déjà commencé à passer la première sur ce projet là. On va dire, en gros, on va lancer un label. C'est ça, donc ça c'était pour l'exclu. Voilà, c'est la petite surprise. Félicitations les gars, c'est cool. Voilà, un label qui va sortir de terre bientôt. Sur lequel du coup Sora. Sora sera. Le projet d'Hugo aussi, Backyard. Voilà, mon petit projet techno. Un petit projet pour ce nouveau label là, c'est bon ça. On a déjà une confirmation de quelques artistes pas mal connu pour venir dessus pour la première VA, donc on attend ça. Mais on attend ça fort avec impatience. Je ne savais pas. Je sais, j'ai pas eu encore l'occasion. Parce qu'elle a ses full exclus. On te dit pas tout avec monsieur le directeur. Attention, monsieur le directeur du label, donc Hugo. Oula, mais de belles choses, de belles choses. Léo, directeur du label. Léo, directeur du label, c'est ça. Bon, bah c'est intéressant tout ça, il y a beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui, ça fait plaisir. Et du coup, Alien, Theory et Sora. Comment et vous également voyez, le label aussi. Et également le label du coup qui comment est déjà le nom par Alien Theory Record, voilà. c'est efficace. Là on est obligé de comprendre. Et du coup tout ça c'est bien, c'est beau parce que malgré l'année dure qu'on a passé, comment vous voyez 2021 du coup maintenant qu'on, j'imagine que c'est 2021 qui est important. Bah, ça nous permet de se lancer dans la préparation du label. C'est ça. En fait, on va pouvoir arriver en force. Quoi. Ouais, c'est bah, ça. Allez, on sera carré. Ça laisse du temps. Il y a déjà l'assaut qui est bien en place, notre public qui nous suit et qui n'ont jamais été déçus de ce qu'on a fait, qui nous suivront de partout. Et ramener une entité vraiment musicale qui nous correspond en dehors de nos soirées, ça fera que du bien à tout notre projet, en fait, je pense. Ouais. Et puis ça le finalisera d'une manière concrète et précise. Ouais. Voilà. Comme ouais, je trouve vraiment qu'au niveau des artistes, bon, il y a, enfin, même les artistes connus ou autres, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent, mais en même temps, ça permet vraiment aussi de pouvoir se concentrer sur sa musique. Justement, ouais, les projets comme ça, ces labels ou genre les assos, ouais, pouvoir revoir. Les projets sont plus réfléchis. On peut moins faire de soirées, ou si on les fait, c'est pas les mêmes qu'avant, c'est des plus petites, quoi. Et donc voilà, ça laisse beaucoup de temps pour s'investir dans autre chose aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Super ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Ravi. Sora, d'ailleurs, j'ai su que tu as sorti des releases. Tu sors souvent des prods souvent, sur ta page. Ouais, c'est souvent que je sors des releases. J'essaye de faire de mieux en mieux, comme je disais tout à l'heure. C'est pas encore professionnel à souhait. Ouais, mais où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux pour nos auditeurs? Vous pouvez me trouver sur SoundCloud. Ouais. D'accord. D'ailleurs, pareil pour Alien Theory et peut-être. Il y a déjà le label sur SoundCloud et il va prendre un coup de neuf. Il y a déjà un label qui a été lancé il y a 3 ans, c'était il y a trop longtemps. D'accord. Mais vous pouvez aller voir ça, vous pouvez aller voir celui de Solène aussi. Enfin, il y aura les liens de toute façon, je pense. De toute façon, il y aura les liens, ce sera retaillé. Disponible sur Spotify aussi, j'ai entendu tout à l'heure. Votre projet aussi. Ça sera partout. C'est beau, attention. C'est beau. All platform, le type Pixie. Je réserve un petit EP plus industriel, underground. Ouais. Les deux mois à venir. Yeah, d'accord. Exclus aujourd'hui. On va se quitter sur cet exclu encore. Et bah, on va pas se quitter maintenant tout de suite parce que bon, on va t'entendre jouer maintenant. C'est avec grand plaisir du coup qu'on va écouter ton set. Moi, j'ai déjà entendu un petit peu preview, donc voilà. Et donc, c'est parti. Sur ce, on se rejoindra pour l'agenda. Bon samedi à tous. Bon samedi à tous. Et bon samedi à tous, exactement. Bon samedi à tous. Ouais. Bon samedi. Salut. et on se retrouve pour le portrait chinois. Attention, nos trois protagonistes vont répondre à une dizaine de questions. Attention. Tout le monde est chaud ? Tout le monde est chaud. Alors, chaud, chaud, chaud. Première question, si t'étais un fruit, tu serais lequel ? Une fraise. Okay. Ah, pourquoi ? Parce que c'est bon. Ok, d'accord. Moi, je serais une framboise. Et moi, je serais une pêche. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il a la pêche ? Ah ouais. Et du coup, quel morceau t'aurais aimé produire ? Wow. Elle est dure celle-là. Ouais. Ouais. Elle est dure. Un molle grave, déjà un son de molle grave, tu vois. Ouais, un son de molle grave. Son de molle grave. Ok, vas-y, lourd, lourd. Je sais pas, Crispy Bacon de Rangard. Oh, bien vu. Il l'a produit en moins d'une nuit. Hein. Ouais, en 6 heures, ouais. Bah, c'est vrai. Moi, je dirais Uzunami de 8 Model. Oh, il sait. C'est pas moi qui te l'ai filé, cette track ? Non, pas du tout. Ah ouais ? T'inquiète, j'ai mon fondement personnel aussi. Ah, bah, merde. Excuse-moi, pardon, désolé. Un péché mignon. Enfin, ton péché mignon. Ah, compliqué, hein ? Ouais, fumer de la bœuf, je crois. Bon, là, ça enlève, je pense qu'on enlèvera en montage, du coup. Ah ouais ? Moi, j'allais dire pareil. Moi aussi, je vois. Bah, du coup, on va le laisser, c'est un péché mignon. Bah, si c'est un péché mignon pour tout le monde. C'est un péché mignon. Non, mais ouais, vous aimez bien le sandwich, on va dire. Ouais, les sandwichs, c'est ça. Ouais, les sandwichs. On aime pas trop les boulettes de viande. Du coup, maintenant, le morceau qui vous a influencé dans ton style musical. Alors moi, on va dire Gaz Mask. On va dire quoi de Gaz Mask je sais pas, ouais. Tous ces premiers sons, les frères. Ok, voilà. Ok. Ouais. À écouter du coup, pour ceux qui connaissent pas. Moi je dirais Nothing, It Never Ends. Je sais pas si vous connaissez. C'est la techno, non ? Musique la plus simple du monde. Il y a une boucle de cordes et un petit bass qui reste tout le temps, mais c'est magique. Ah, écoutez, ouais, du coup, c'est aussi, bien, ça, aussi. Simple, efficace. Moi, je dirais du bon vieux Evil Grimace, Bim Bim. Voilà, c'est intéressant. Des connaisseurs. Ok, c'est profond, ça. C'est recherché tout ça. C'est recherché tout ça. Allez, écoutez, j'ai fait. Ah ouais, d'accord. Allez, ils sont chauds. Alors, Salamèche, Carapuce ou Bulle Bizarre ? Salamèche. J'allais dire pareil, Salamèche. Hein. Allez, Team Salamèche ou pas ? Ah non, Bizarre. Yeah. Yes, yes. Mais Carapuce, toujours. On réussit les premières arènes. Mais non, mais non. Mais non. Du coup, plutôt gauche ou droite ? Gauche. Gauche. Je sais pas. Politiquement. Ouais, c'est comme tu veux. Non, ça peut être vraiment si tu préfères ta droite ou ta gauche, quoi, par exemple, si tu veux. Ah, gauche. Ouais, gauche. Allez. Blonde ou brune ? Blonde. Mmh. Mais c'est aussi la galère. Moi j'aime bien tout, vous avez toutes des belles chevelures. D'accord. Ah, la bière, mais ça okay. peut être. Ok. Ouais, bon, bah, voilà. C'est bien dit, c'est bien dit aussi. C'est vrai que c'était la bière. C'est le Sea Drive. Non, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Oui, bah voilà. Si t'avais un super pouvoir. Voler. Mmh. Respirer dans l'eau ? Ouais, pas mal. Abattre ce putain de Covid pour qu'on refasse des soirées. Yeah yeah il sait. Super bonne réponse. Ça, bien dit. Check ma chaîne. Si t'étais un plugin, tu serais lequel ? C'est pour le son. Je serais un bon sérum massive. Ouais, mais ouais. Vous êtes. Ah, moi, je serais sérum aussi. Moi, je serais un EQ, mec. Moi, je serais Analog Lab. Ah, c'est pas mal ça. Eh, de Arthur, il fait chaud. Allez, petite question musicale. Shlomo ou Jassy Dorex ? Shlomo. Bah... Ou difficile. Shlomo. C'est chaud. Les Français. C'est chaud. C'est pas un belge. Difficile, mais quand même Jassy Dorex. Désolé. J'aime ouais, bien les deux. Mais... Et moi, je dis Jassy Dorex. Ouais. Oui, je dis Jassy Dorex. Et du coup, ouais, pour les amateurs de techno. Enfin, de les frics, etc. Ouais, la dernière. Du coup, la toute dernière question, c'est free ou club ? Ouf. Difficile, difficile. Canap. Canap. Il a tué le gars. Il a tué le gars. C'était un bon portrait chinois. Ableton. Ableton Canap. 6 personnes dans la part. J'aime pas la musique des autres, j'ai un peu la mienne. Moi, ce serait club. Ouais, mais en extérieur. Club. Club pour club berlinois, un truc comme ça. J'aurais même rajouté festival. Tant qu'il y a moi, faire, autant se mettre le seul. Ouais, moi j'aurais dit festival. Voilà quoi. Moi je dirais club, mais il y a un an ma réponse aurait été différente. Ouais. Ok. Ouais, bah, moi j'ai dit club aussi. Bah super, merci à vous pour ce portrait chinois. Merci à toi. Merci à vous. On va se retrouver tout à l'heure pour l'agenda. Et qui fait bien encore le set. We'll be right back.

De retour pour ce petit agenda. La région Rhône-Alpes est fortement touchée en ce moment par l'épidémie du Covid-19. D'après les dernières informations, les villes de Saint-Étienne, Lyon et Grenoble seront dans l'obligation de fermer les lieux d'accueil et de rencontres. Au niveau musical, il ne restait pratiquement que des bars qui proposaient des animations de musique électronique. Ceux-ci seront donc contraints de fermer leurs portes d'ici peu de temps. Donc les petits événements de ce week-end, on ne peut pas forcément confirmer un report ni une annulation pour le moment, puisque ça dépendra des bars. Donc dans le doute, l'agenda sera entièrement un agenda suspendu. Samedi soir, au Maxime, Amertume et ABKR se retrouvent et s'allient pour jouer de la house avec un grand H, allant de la tech à la micro, en passant par des sonorités de Chicago. Rosemary Martins animera le repas du Mobotel de 21h à minuit. Le hit sera ouvert jusqu'à 21h pour son événement Second Hand Weekend, soit une énorme friperie. On pense très fort à Infrason qui devait organiser ses 3 ans à la Belle Électrique ce soir. La soirée devait être animée par Hérode, UBV, Jezequel et Viper Diva, composée de Aiden et Shlomo. Nous arrivons au terme de cet agenda. L'équipe vous souhaite un très bon week-end et vous dit à la semaine prochaine. Salut! We'll be right back.